Important en allemand se dit wichtig. Wichtig, ça s'écrit W-I-C-H-T-I-G. Wichtig. Wichtig. Pour la première partie du mot, il suffit d'ajouter W devant ich. On a alors wich. Quant à la seconde partie du mot, vous pouvez la prononcer en ajoutant T devant ich. Tich. Wichtig. Wichtig. Es ist wichtig signifie c'est important. À vous, comment diriez-vous c'est important? Es ist wichtig. Es ist wichtig. Très bien. Et c'est très important de faire cela? Es ist sehr wichtig. Bien. Es ist sehr wichtig de faire cela. Tun. Wichtig est un adjectif qui est suivi par de en français. De faire cela. Zu. Donc, important de le faire. Wichtig. De le faire. Es zu tun. Bien. Es ist sehr wichtig, es zu tun. Et à l'inverse, comment diriez-vous « ce n'est pas tellement important »?« Tellement » se dit « so ».« So ». On avait déjà rencontré ce mot, mais dans le sens de « ainsi ».« Ainsi, so ». »« Ainsi, so ». Donc, « so », ça veut aussi dire « tellement ». Donc, « ce n'est pas tellement important » se dit « es ist nicht ». Tellement important. Tellement se dit so. So. Important. So wichtig. Bien. Es ist nicht so wichtig de faire ça aujourd'hui. Es zu tun heute. Oui, sauf que le verbe doit être à la fin. Es heute zu tun. Bien. Es ist nicht so wichtig, es heute zu tun. Bien, il y a un autre adjectif que vous utiliserez beaucoup, c'est nécessaire. Nécessaire en allemand se dit nötig. Nötig, ça s'écrit N-O umlaut pour ne, tig, T-I-G, nötig. Ça finit en tig comme wichtig. Es ist nötig, c'est nécessaire. Comment diriez-vous nécessaire? Nötig. Nötig. Et ce n'est pas nécessaire. Es ist nicht nötig. Es ist nicht nötig. Ce n'est pas nécessaire, d'accord. Et comment diriez-vous ce n'est pas nécessaire de le faire maintenant? Es ist nicht nötig. Bien. Es ist nicht nötig. Es zu tun. De le faire maintenant. Es jetzt zu tun. C'est ça. Es ist nicht nötig, es jetzt zu tun. Tard se dit spät. Spät. Spät, ça s'écrit S-P-A-Umlaut T. Spät. Le A-Umlaut est prononcé comme E. Spät. En début de mot, S-P en allemand se prononce SP. Tout comme S-T se prononce ST. Par exemple, dit Stadt, la ville. Stadt, ça s'écrit S-T-A-D-T. Stadt. Le son ST s'écrit S-T. C'est la même chose pour der Staat, l'État. Der Staat, S-T-2-A-T, avec deux A qui allongent la voyelle. Staat. Les États-Unis, ce sont die Vereinigten Staaten. Vereinigt, ein veut dire un, et ce qui fait un est uni. Vereinigt, d'où les États-Unis, die Vereinigten Staaten.